Le Comité national d'études des États du Tutsi du Congo démocratique a présenté le 8 mars dans son homepage d'Internet l'œuvre classique du général Kim Jong-il. Les femmes sont une puissante force qui fait progresser la révolution et le développement du pays.